إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 92 dans le livre de Kitab al-Tawhid avec l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan et on commence le chapitre 33. Donc le Cheikh dit Babun qawlullah ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Donc ce chapitre il parle de la confiance qu'on doit mettre en Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawakkul 'alallah, le fait de mettre notre confiance uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit التوكل هو التفويض فالتوكل على الله تفويض الأمور إليه سبحانه وهو من أعظم أنواع العبادة ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان التوكل على الله عبادة لله وجب إخلاصه لله وترك التوكل على من سواه لأن العبادة حق لله فإذا صرفت لغيره صار ذلك شركا فالتوكل على غير الله شرك كما يأتي بيانه وتفصيله وهذا الكتاب المبارك ألفه الشيخ رحمه الله لبيان التوحيد وبيان الشرك فالتوكل على الله وحده توحيد والتوكل على غيره شرك فهذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. Donc le cheikh il explique en commençant, il dit que التوكل, ça veut dire dans la langue arabe التفويض. التفويض, donc التوكل, de mettre notre confiance en Allah, ça veut dire التفويض ou تفويض الأمور إليه. التفويض, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu remets toutes tes affaires à Allah subhanahu wa ta'ala pour que ce soit lui qui s'en occupe pour toi. Ok? Tu mets ta confiance en lui, tu t'en remets à lui dans la conclusion de tes affaires. Et c'est une parmi les plus grandes formes d'adoration dans l'islam. Et bien entendu, c'est une adoration du cœur. D'accord? Et la raison pour laquelle le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a mis ce chapitre-là dans le livre qui s'appelle Kitab al-Tawhid, c'est parce que at-tawakkul, c'est une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, et donc, étant donné que c'est une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire de la purifier et de faire en sorte qu'elle soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et d'abandonner, de mettre notre confiance à autre que lui, ou sur autre que lui. Donc il ne faut pas mettre notre confiance sur autre que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'adoration est un droit d'Allah, et si on l'offre à autre que lui, ça devient une forme de shirk. Et donc, at-tawakkul, de mettre notre confiance en autre que Allah, c'est une forme de shirk, comme on va l'expliquer et comme on va entrer dans les détails dans ce qui va suivre. Le Cheikh dit, wa hadha al-kitab al-mubarak, ce livre qui est béni, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab l'a écrit, il a ramené les sujets dans ce livre-là, pour clarifier qu'est-ce que c'est le tawhid et pour clarifier qu'est-ce que c'est le shirk. Et at-tawakkul, de mettre notre confiance à Allah subhanahu wa ta'ala seul, ça c'est le tawhid, et de mettre notre confiance en autre que Allah, ça c'est le shirk. Voilà pourquoi il parle de ce sujet-là dans ce livre, et pourquoi il a mis ce chapitre dans ce livre. Et le cheikh dit « وَقَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَابٌ قَوْلُ اللَّهِ أي تفسير هذه الآيات فهذا الباب يبين تفسير هذه الآيات الكريمات. Donc dans ce chapitre le cheikh a mentionné certains versets qui parlent de la confiance qu'on doit mettre en Allah subhanahu wa ta'ala, et donc le titre de ce chapitre c'est en fait que l'explication, c'est-à-dire l'explication des versets qui parlent de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier verset que le cheikh mentionne dans le livre, c'est le verset 33 dans sourate Al-Ma'ida. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. C'est-à-dire, et en Allah, mettez votre confiance si vous êtes réellement croyant. Et il explique ce verset-là. Il dit, قوله تعالى, فقوله تعالى, وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية في سورة المائدة في قصة موسى عليه السلام مع قومه. لما قال لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة, يعني أرض فلسطين, ليخلصوها من الوثنيين لأنها كانت بيد الوثنيين. وموسى عليه السلام أمر بالجهاد لنشر التوحيد ومحاربة الشرك والكفر بالله وتخليص الأماكن المقدسة من قبضة الوثنيين, وهذا من أغراض الجهاد في سبيل الله. Donc le cheikh lui dit que ce verset-là, verset 33 dans sourate Al-Ma'ida, il est mentionné dans sourate Al-Ma'ida au sujet de l'histoire de Moïse avec son peuple. Lorsque Moïse a dit à son peuple dans le verset 21 dans sourate Al-Ma'ida, ça commence l'histoire au verset 21, ok, il dit « Ya qawmi dhulu al-ard al-muqaddasa » dit « Oh mon peuple, entrez dans la terre sainte » ok, entrez dans la terre sainte, c'est-à-dire la terre de la Palestine. Donc Moïse dit à son peuple « Oh mon peuple, entrez dans la Palestine » d'accord. Et le cheikh donc il explique et il dit « Parce que la terre de la Palestine à l'époque, elle était habitée par un peuple d'idolâtres, un peuple d'idolâtres qui adorait des idoles. » Et Moïse a été donc ordonné de faire le djihad contre ce peuple-là qui adorait les idoles, et de répandre le tawhid et de combattre le shirk et le kufr, hein, et de purifier ces endroits-là, cette terre sainte, de l'emprise des kuffars, de la libérer et de la purifier de l'emprise des idolâtres et des mouchriquins et des kuffars. Et ça, c'est une des, disons, un des buts et un des objectifs de la lutte ou du djihad dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, de purifier la terre de l'idolâtrie et de la mécréance. D'accord? Après, le cheikh il dit, Allati kataba Allahu lakum, c'est-à-dire, لأن الله كتب أن المساجد والأراضي المقدسة للمؤمنين من الخلق من بني إسرائيل وغيرهم. كتب الله لكم شرع أن تكون الولاية عليها للمؤمنين كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالولاية على المساجد خصوصا المساجد المباركة وهي المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى وسائر المساجد تكون الولاية عليها للمؤمنين ولا يجوز أن يكون للكفار والمشركين من الوثنيين والقبوريين سلطة على مساجد الله. وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وهذا سبق في الباب الذي قبلها قبل هذا. Donc, le cheikh il mentionne ce verset-là. Ensuite, il dit, donc, ô mon peuple, Moïse a dit à son peuple, il dit, ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite. Qu'Allah vous a prescrite. Donc, le cheikh il dit que les terres qui sont saintes et les mosquées, les lieux d'adoration, Allah les a prescrites pour les croyants parmi les créatures de Bani Israël et les autres créatures également. Donc, il a prescrit que, ou bien il a légiféré que ces mosquées-là et ces lieux-là doivent être sous la dirigeance des croyants. Ce sont les croyants qui doivent s'en occuper. Et à l'époque, la Palestine était sous l'emprise des idolâtres et Bani Israël, c'était des croyants. Ils suivaient les ordres de Moïse, de Moussa alayhi salam. Donc à l'époque, Bani Israël, c'était eux les musulmans. Il n'y avait pas d'autres, hein. C'était eux les musulmans. Et donc c'était à leur tour, c'était, disons, leur responsabilité de prendre la terre et de la purifier de l'idolâtrie et du shirk, hein. Donc, aujourd'hui, c'est eux qui occupent la Palestine et qui la remplissent de shirk et de kufr. Et donc, c'est le rôle des musulmans de la purifier et de la prendre, hein. Mais bon, c'est comme ça que les choses sont. Quand Allah subhanahu wa ta'ala avait pris l'entente avec les fils d'Israël pour qu'ils établissent le tawhid, ils n'ont pas respecté sa parole. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la responsabilité à un autre peuple de prendre cette responsabilité-là par la suite, et ça a été les musulmans. Et donc, jusqu'à la fin des temps maintenant, c'est les musulmans. Mais parmi les musulmans, il y a différents peuples qui, parfois prennent le flambeau de l'islam et du tawhid, et Allah subhanahu wa ta'ala, il la donne aux Arabes, des fois il la donne aux Turcs, des fois il la donne à d'autres. L'important, c'est si ceux qui s'accrochent au tawhid et qui sont sincères dans la religion d'Allah, c'est eux à qui Allah subhanahu wa ta'ala donne la responsabilité de propager sa religion et de purifier la terre de toute forme de mécréance ou d'idolâtrie. Donc là, comme le cheikh il mentionne, il dit donc que c'est les croyants qui ont pour responsabilité de prendre en charge les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas les mushrikines, c'est-à-dire c'est pas aux mushrikines et aux idolâtres d'avoir la charge et la responsabilité de s'occuper des lieux saints. Parce que déjà, eux-mêmes, ils sont pas sur la droiture. Et ils sont pas sur le tawhid. Donc, le cheikh, il mentionne un verset pour montrer ça. Il mentionne le verset 105 dans Sourate Al-Anbiya, qui dit, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ. Ça veut dire, et nous avons écrit certes dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Donc ça veut dire que c'est les... Naam. Wa alaykum salam, Muhammad. Très bien, oui. Alhamdulillah. Donc c'est les bons serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vont hériter de la terre. Ok? Et y a des témoins de Jéhovah qui utilisent ce verset-là, parce que eux, les témoins de Jéhovah, vous savez qu'ils ne croient pas au paradis. Pour eux, ils ne croient pas au paradis à l'enfer réellement. C'est-à-dire, pour eux, le paradis, ça va être sur la terre, puis l'enfer, ça n'existe pas. C'est-à-dire, tu rentres dans le feu, tu brûles, puis après c'est fini. Tu brûles une fois, puis après c'est fini. Il n'y en a plus de feu par la suite. Ça, c'est la croyance des témoins de Jéhovah, et bien entendu, cette croyance-là, elle est fausse, même d'après leur livre à eux. Si tu lis dans le Nouveau Testament, c'est écrit « ils brûleront », dans les paroles soi-disant attribuées à Jésus, il dit « ils brûleront dans le feu éternel, avec les pleurs et les grincements dedans ». Donc un feu éternel, ça veut dire qu'il est éternel, et il y a des pleurs et des grincements dedans, ça veut dire qu'il y a des gens qui brûlent tout le temps dedans. Eux, ils essaient de dire que non, tu brûles une fois, puis c'est fini. Et ils disent non, comment Dieu pourrait punir des serviteurs, ça c'est quelque chose de cruel et de dur, hein. Donc ils voient pas qu'il y a une justice dans ça. Pour eux, ils voient que c'est une injustice. A'udhu billah. Donc, et le paradis pour eux, non, c'est pas le paradis tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit, hein. Mais pourtant, plutôt c'est, la terre. Cette même terre sur laquelle on est maintenant, hein. Ouais, il est sur terre, ouais. Et donc, eux, ils pensent que ce verset-là, ça parle du paradis, alors qu'en réalité, ce verset-là parle de la terre dans le sens que c'est les serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vont hériter la terre, dans le sens que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va leur donner le pouvoir sur cette terre et qui va les mettre en charge de cette terre, alors qu'elle appartenait aux idolâtres et aux païens, eh ben, par le fait qu'ils vont venir et ils vont établir la lutte et le djihad, eh ben, ils vont purifier cette terre des idolâtres et des païens, et ils vont établir le tawhid et l'unicité d'Allah sur cette terre. Et en plus de ça, inchallah, après la mort, ils ont le paradis éternel que Allah a promis pour les croyants. Et ceux qui ont désobéi et qui ont fait le shirk et le kufr, eh ben, eux, ils auront l'enfer éternel. Donc, le paradis, il est bien plus grand que la terre, hein. Il est bien plus grand que la terre, incomparable, hein, à qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce monde. Et donc, pour répondre au témoin de Jéhovah à ce sujet-là, justement, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, comment on répond au témoin de Jéhovah qui utilise ces versets-là pour essayer de dire que le paradis c'est sur terre. Eh ben, en réalité, c'est que ce verset-là parle pas du paradis, et pas de la terre ici présente, et que c'est les croyants qui vont l'hériter. Donc, c'est ça. Et donc, comme c'est la Palestine, dans la Bible, il l'appelle la terre de Canaan. La terre de Canaan. En tout cas. Donc, le cheikh il dit que, donc, la gérance des mosquées et des lieux saints, elle appartient aux croyants. Et en particulier, les mosquées sacrées et bénites, comme la mosquée sacrée à la Mecque, la mosquée du messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la mosquée Al-Aqsa, hein, en Palestine, et toutes les autres terres et les autres mosquées sur le monde, dans le monde, elles doivent être sous la gérance et l'entretien des croyants. Et il n'est pas permis aux koufars et aux mouchriquines et aux païens et aux idolâtres et aux adorateurs de tombes d'avoir le pouvoir sur ces mosquées-là. Hein. De même que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 17 et 18 dans sourate Tawba, il n'appartient pas aux mouchriquins de peupler les mosquées d'Allah alors qu'ils sont témoins contre eux-mêmes de leur mécréance. Ceux-là, ce sont ceux dont les œuvres sont vaines et ils demeureront éternellement dans le feu. C'est Naam. Seuls les croyants, hein, seuls ceux qui ont cru en Allah et au jour dernier, doivent peupler les mosquées d'Allah. Ça c'est le verset, et on a déjà expliqué ce verset-là dans le chapitre précédent. Le cheikh il dit ensuite, « وَقَالَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. في الverset 34 dans sourate Al-Anfal à propos de la mosquée sacrée à la Mecque, qu'ils obstruent le chemin vers la mosquée sacrée, la mosquée de la Mecque, et alors que ce ne sont pas eux ses gardiens et protecteurs ne sont que les pieux, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc le cheikh dit فمساجد الله خصوصا المساجد الثلاثة يجب أن تكون الولاية عليها للمسلمين ولا يكون للمشركين عليها سلطة ويجب على المسلمين أن يجاهدوا حتى يخلصوا هذه المساجد من أيدي المشركين. Pardon. فموسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل يريد تخليص بيت المقدس ولكن بني إسرائيل كانوا قوما جبناء قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين يقال كان فيها حينئذ قبيلة يقال لها العماليق كانوا شدادا في خلقهم أقوياء وإنها لن ندخلها حتى يخرجوا منها وهذا منتهى المهانة ومنتهى السخرية لأن الكفار ليسوا بخارجين إلا بالجهاد والجلاد والاستشهاد في سبيل الله. Donc le cheikh il est en train d'expliquer que les mosquées saintes, parmi les, comme les trois, en particulier, il dit les mosquées d'Allah et en particulier les trois mosquées sacrées, il est obligatoire pour il est obligatoire pour que ce soit les musulmans qui s'en occupent et qui soient en charge de ces mosquées-là et qui soient en train de gérer ces mosquées-là, hein, et de s'en occuper. Et ce n'est pas, et les mouchriquins n'ont pas à avoir une autorité sur ces mosquées-là. Et il est obligatoire pour les musulmans de lutter jusqu'à ce qu'ils soient capables de libérer et de purifier les mosquées d'entre les mains des mouchriquins. Et il dit que Moïse, alayhi salam, lorsqu'il est sorti avec Bani Israël, il voulait purifier la terre sainte de la comment on appelle, Beit al-Maqdis, hein, la mosquée sainte en Palestine. Il voulait la purifier, à Jérusalem. Il voulait la purifier des mains du peuple des idolâtres qui habitaient là-bas. Toutefois, les fils d'Israël étaient des gens peureux. C'est ça. Donc c'est ça l'histoire qu'il mentionne dans le verset, dans Sourate Al-Maïda, le verset, à partir du verset 21 jusqu'à 33. On a, jusqu'à 26. Oui. Le chef, il a mentionné le verset 33, mais c'est 23, pardon. Oui, c'est ça. Donc, le chef, il dit ici, « Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte. » Il dit, en fait, c'est Moïse qui parle à son peuple. Hein? Ouais, le cheikh, il dit que Moïse, il dit à son peuple, « Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah… » Mais en fait, c'est Allah qui mentionne les paroles de Moïse dans le Coran. Il dit dans le verset 21, « Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite et ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre car… » car vous retourneriez perdant. Ils dirent, c'est-à-dire le peuple d'Israël, dirent, ô Moïse, il y a là un peuple de géants. Jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent. S'ils en sortent, alors nous y entrerons. Hein? Donc c'est ça qu'ils ont répondu à Moïse quand Moïse leur a ordonné de rentrer et de combattre ces peuples-là. Hein? Donc, le chef, il dit, c'est un peuple de peureux. Les fils d'Israël étaient des peureux. Ils ont dit, au Moïse, il y a dedans un peuple de géants. Hein, c'était un peuple qui faisait partie d'une tribu à l'époque qui habitait là-bas, qu'on appelle Al-Amalik. Et ils étaient forts, hein, dans leur façon. Ils étaient créés forts, ils étaient très robustes et tout. Donc, et ils ont dit à Moïse, on va pas rentrer jusqu'à ce qu'ils sortent, hein. Et s'ils sortent, là, on va rentrer. Et le cheikh, il dit, et ça, c'est l'extrême de l'humiliation et de la moquerie de leur part. Parce que les koufars, ils vont pas sortir excepté par la lutte et par le djihad et par le fait de mourir pour la cause d'Allah, hein, dans le chemin d'Allah. Comme le cheikh, il mentionne. Donc, il dit par la suite, il dit, le verset 23, deux hommes d'entre ceux qui craignaient Allah et qui étaient comblés par lui de bienfaits dirent, entrez chez eux par la porte, puis quand vous y serez entrés, vous serez sans doute les dominants. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyants. Donc c'est ça le verset que le cheikh mentionne dans ce chapitre-là, au sujet de mettre sa confiance en Allah. Et c'est en Allah qu'il faut mettre une confiance si vous êtes croyant. Donc, exactement ce qui est arrivé. « قَالَ رَجُلًا مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » Donc, il y a deux hommes parmi les hommes de Bani Israël qui avaient une foi puis qui étaient fermes dans leur position, dans leur croyance et tout. Ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah leur a donné beaucoup de ses grâces, hein, de la foi et de la conviction et de la fermeté, ainsi de suite. Ils ont dit aux fils d'Israël, entrez par la porte, hein, allez vers eux et entrez par la porte. Hein, c'est-à-dire, soyez fermes et, et واهجموا عليهم حتى يروا منكم القوة فإذا رأوا منكم القوة فإنهم يخرجون. Donc, comment je pourrais dire, soyez fermes et puis, comme on dit quand l'armée, ouais, fait, ils font une assaut, ils attaquent, hein, ils attaquent la porte, donc c'est ça, attaquez-les jusqu'à ce qu'ils voient que vous avez de la force, et lorsqu'ils vont voir que vous êtes fort, là ils vont sortir, hein, parce qu'ils vont avoir peur. أقول فإذا دخلتموه فإنكم غالبون لا شك أنه إذا حصل هجوم صحيح دخل المجاهدون عليهم الباب فأنه سيقع الرعب في قلوبهم سيقع الرعب في قلوبهم ويخرجون منها لكن هذا لا يكون إلا من أهل الإيمان وأهل الصدق والعزيمة والبعث كما في رجال محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يجاهدون ويهجمون على الكفار ويقتحمون الأبواب ويخاطرون بأنفسهم. Le chef il mentionne la suite du verset qui dit et si vous rentrez alors vous serez les si vous rentrez par la porte ensuite vous serez les dominants vous serez sans doute les dominants. Donc le chef dit qu'il n'y a pas de doute que si ils attaquent d'une façon correcte et que les mujahidoun rentrent sur eux par la porte, alors ils auront la crainte dans leur cœur, les ennemis auront la crainte dans leur cœur, et ils vont sortir de leur muraille et tout, de leur forteresse, mais il faut que ce soit, ça peut uniquement être fait par des gens qui ont une foi, et qui ont une sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont une fermeté et une force, hein, comme les hommes qui étaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, hein, et qui faisaient la lutte et le djihad avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui attaquaient les koufars, et qui les prenaient par les portes, hein, qui fonçaient dans leurs portes, et qui affrontaient tous les dangers avec leurs personnes, ils n'avaient pas peur de rien. وأيضا فإنه لا يكفي دخول الباب بل على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فهذا لا يحصل إلا بالعزيمة الصادقة والإقدام في سبيل الله وتقديم النفس في سبيل الله مع التوكل على الله وعدم الاعتماد على القوة بل يعتمد على الله مع الأخذ بالقوة المناسبة. Donc le cheikh il explique et il dit que c'est pas suffisant juste de rentrer par la porte, mais il faut que les croyants mettent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, si ce sont des croyants. Et c'est sûr que d'avoir la fermeté et de se mettre, hein, d'avancer vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et de mettre en avant notre âme, hein, pour Allah subhanahu wa ta'ala dans son chemin, en mettant notre confiance et en ne dépendant pas seulement sur notre force, hein, mais on met notre dépendance sur Allah subhanahu wa ta'ala avant tout, en prenant les moyens et la force nécessaires, il dit, ça c'est ce qui va amener la victoire en réalité. Et on voit ici l'exemple, comme le cheikh il explique, comment les sahaba, parce qu'il y en a qui pensent que le djihad c'est quelque chose qui est venu avec l'islam seulement, et que ça existait juste avec l'islam, alors que tous les prophètes ont amené le djihad. Et on parlait du djihad, même Moïse, il a fait le djihad contre le peuple qui habitait en Palestine à l'époque, hein, parce que c'était des idolâtres, et comme le cheikh a dit au tout début, il est parti là-bas, et en même temps il a purifié la terre des idolâtres, et de l'idolâtrie, et de la mécréance. Donc, c'est pas quelque chose qui était unique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lutter pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça existait à l'époque de Moïse, qu'il a fait le djihad contre des peuples mécréants, à l'époque de Daoud, alayhi salam, qui a combattu contre des peuples mécréants, à l'époque de Suleyman, qui a combattu contre des peuples mécréants, et beaucoup d'autres prophètes aussi, qui ont tous fait le djihad pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au début, ils ont refusé, mais par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a punis, en les laissant errer dans le désert pendant 40 ans, puis par la suite, ça a l'air que, parce que regardez, il dit par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 24, قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال ربي لا إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين إلذير موئيز Nous n'y entrerons jamais aussi longtemps qu'ils y seront. Va donc toi et ton Seigneur et combattez tous deux. Nous restons là où nous sommes. Ils dirent, ô Seigneur, Moïse dit, il dit, ô Seigneur, je n'ai de pouvoir vraiment que sur moi-même et sur mon frère. Séparez-nous donc de ce peuple pervers. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ce pays leur sera interdit pendant 40 ans, durant lesquels ils vivront sur la terre, ne te tourmente donc pas pour ce peuple pervers. Donc ça c'est l'histoire, mais par la suite ils sont rentrés, il y a eu le combat, et ils ont pris la terre. C'est pour dire que ils avaient peur au début, mais c'est pour dire qu'il y a toujours eu la lutte et le combat dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous regardez par exemple les récits de ces combats-là et de ces batailles-là dans l'Ancien Testament que les chrétiens et les juifs ont aujourd'hui dans leurs livres, et bien vous voyez les détails de ça, comment c'est décrit. Et c'est pour ça que c'est étonnant de voir aujourd'hui ces gens-là qui critiquent les musulmans et qui disent qu'on a une religion de dureté et de violence ou de combat et de djihad, alors que dans leurs livres il y a des passages. Ils pourraient même pas lire ça à des enfants, devant des enfants, tellement c'est d'une violence et d'une description vraiment dure et tout. Et dans leurs livres, on voit des passages où même on ordonne même de tuer les enfants et les femmes et tout le monde, des choses comme ça, alors que ça c'est interdit dans l'islam. Et les chrétiens dans le Moyen-Âge, comme tu dis, pendant la colonisation, pendant les croisades, ils ont répandu le sang et fait couler le sang et tout sans aucune pitié, Et donc c'est quand ils ont combattu les musulmans pendant les croisades, c'est là qu'ils ont connu la miséricorde de l'islam. Comment Salahuddin a agi avec eux avec miséricorde et avec justice. Tandis que eux, quand c'était eux qui ont pris la Palestine, ils avaient tellement tué des musulmans, ils marchaient avec le sang qui arrivait jusqu'à leurs genoux, tellement ils avaient fait couler le sang des musulmans. Donc c'est ça la description qu'ils en ont fait eux-mêmes. Allah musta'an. Donc, alhamdulillah, après il dit wa aydan fa innahu la yakfi dukhul al-bab, comme on a dit. Il faut prendre les moyens et mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but ou la leçon qu'on peut tirer de ce verset-là, et que le cheikh, c'est pour cette raison-là que le cheikh, il l'a mentionné. Après le cheikh dit, وَهَذَا مَحَلُّ الشَّاهِدِ مِنَ الْآيَةِ حَيْثُ قَدَّمَ الْمَعْمُولِ وَهُوَ الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ عَلَى اللَّهِ وَأَخَّرَ الْعَامِلِ وَهُوَ تَوَكَّلُوا مِمَّا يُفِيدُ الْحَصْرِ أي تَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ وَلَا تَتَوَكَّلُوا عَلَى غَيْرِهِ ففيه وجوب الإخلاص التوكل على الله عز وجل وأنه سبب من أسباب النصر على الأعداء مثل قوله إياك نعبد وإياك نستعين قدم المعمول وأخر العامل وأصله نعبدك ونستعين بك ولكن قدم المعمول وهو الضمير المنفصل إياك في الموضعين على العامل نعبدك ونستعين ليفيد الحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بغيرك وهذا هو الإخلاص والتوحيد. Donc le cheikh explique la forme dont le verset est le verset est placé, la façon dont le verset est formulé pour expliquer que ça implique que on doit purifier notre adoration pour Allah seul, et qu'on doit mettre notre confiance en Allah seul, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là, « وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا » C'est-à-dire, « En Allah, mettez votre confiance, si réellement vous êtes croyant. » c'est-à-dire que il a mis le verbe après le fait de, comme c'est dit, mettez sur Allah votre confiance. Il n'a pas dit mettez votre confiance en Allah, il a dit mettez en Allah, mettez votre confiance. Donc c'est comme si pour dire en Allah et pas en personne d'autre, mettez votre confiance. Hein? Sinon il aurait pu dire par exemple mettez votre confiance en Allah. Mais quand il dit de la façon inversée, ça implique que c'est uniquement en Allah que vous devez mettre votre confiance. C'est-à-dire en Allah mettez votre confiance et en personne d'autre. D'accord? Et non pas mettez votre confiance en Allah et en n'importe qui d'autre. Hein? C'est comme dans le verset Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Il met Iyyaka avant le verbe. Pourquoi? Pour montrer que c'est en lui seul que tu dois mettre ton lui seul que tu dois adorer et en lui seul que tu dois mettre ou chercher l'aide et le support. Iyyaka nasta'in. Donc il dit que ça c'est une des causes. Mettez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et non pas en personne d'autre. Et ça c'est si tu purifies ton adoration pour Allah dans le fait de mettre ta confiance uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala et à tawakkul uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et bien ça, ça va être une cause parmi les causes de la victoire et du support d'Allah subhanahu wa ta'ala contre tes ennemis. Et donc, c'est ça à la base. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide et personne d'autre. Et ça c'est donc la pureté dans l'adoration et le tawhid et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps ça nous fait voir comment les premiers musulmans ils mettaient leur confiance à Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de combattre leurs ennemis, et c'est ça en fait qui faisait qu'ils avaient une force et qu'ils étaient imbattables au combat. Pourquoi? Parce qu'ils ne craignaient personne, ils ne craignaient rien, ils ne craignaient que Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et donc, même les koufars, ils ont dit eux-mêmes, l'arme des musulmans, la plus forte arme des musulmans, c'est leur foi. Tant qu'ils sont accrochés à cette foi, on ne pourra rien faire contre eux. Mais, du moment où on arrive à les éloigner de leur foi, là on pourra faire avec eux ce qu'on veut. Hein? Et donc quand ils ont compris ça, ils ont mis tout leur effort à détourner les musulmans de leur croyance et de leur foi et de leur religion pour faire en sorte qu'ils soient capables de les contrôler et de les écraser et de jouer avec les musulmans comme ils veulent. Et c'est ça ce qui se passe maintenant. Sallallahu alayhi wa sallam. Et après le cheikh nous mentionne un autre verset qui dit « Wa qawluhu innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum » C'est le verset 2 dans Sourate Al-Anfal. Ça dit إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. C'est la fin de ce verset-là, en fait, dans Sourate Al-Anfal, le verset 2, qui montre que les croyants doivent mettre leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset dit, les vrais croyants sont ceux dont leur cœur frémisse quand on leur mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ça c'est le verset. Le chef il explique, il dit, وَقَالَ وَقَوْلُهُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمَ الْآيَةِ أي إِذَا خُوِّفُوا بِاللَّهِ خَافُوا وَإِذَا ذُكِّرُوا بِاللَّهِ تَذَكَّرُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا اللَّهَ خَافُوا مِنَ اللَّهِ وَأَشْفَقُوا عَلَى مِنْ عَذَابِهِ وَوُعِظُوا وَذُكِّرُوا فَإِنَّهُمْ يَخْشَوْنَ اللَّهَ بِخِلَافِ الَّذِينَ قَالَ تَعَالَى فِيهِمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى وقال تعالى وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَنْتَفِعُ بِالْمَوْعِظَةِ وَالتَّذْكِيرِ وَيَخَافُ مِنَ اللَّهِ عز وجل فإذا ذكر به وخوف فإذا ذكر به وخوف به وهذه علامة الإيمان. أما المنافق فهو وإن ادعى الإيمان فإنه إذا ذكر بالله ازداد عتوا ونفورا وازداد طغيانا فتأخذه العزة بالإثم. الشيخ الذكر dans ce verset là on a vu que Allah subhanahu wa ta'ala il décrit, hein, le cheikh a mentionné ce verset, hein, dans lequel Allah décrit les vrais croyants, et il dit que les vrais croyants sont ceux que lorsqu'on leur rappelle d'Allah, leur cœur frémisse, hein, et le cheikh explique ça en disant que quand on leur fait peur par, en mentionnant Allah, ils ont peur, quand on leur mentionne Allah, ils se rappellent, hein, et lorsqu'on lui dit crains Allah, taqillah, ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont peur de son châtiment, et ils prennent une leçon de ça, et ils se rappellent, et donc ceux-là sont ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à ceux que Allah a décrit dans le verset 206 dans Surat al-Baqarah, que quand on leur dit taqillah, ils s'enflent de fierté, hein, ils se font prendre par la fierté à cause du péché qu'il fait, hein, donc ceux-là, ça c'est le contraire des croyants. C'est des gens qui, lorsqu'on leur dit « Attaqillah »« Akhadathu l'izzatu bil ism » comme Allah dit dans le verset 206 dans Al-Baqarah, et quand on leur dit « Redoute Allah » ou « Crée Allah », l'orgueil criminel s'empare de lui. Donc ça arrive à certaines personnes des fois, quand tu lui dis « Attaqillah », hein, ils commencent à s'énerver sur toi, ils se fâchent, au lieu de réaliser qu'il est en train de faire quelque chose ou de dire quelque chose qui n'est pas correct. Il se fâche contre toi, il s'énerve, et il lui dit quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais qui n'est pas correct, hein, ou bien des choses comme ça. Hein, donc ça c'est pas l'attitude du vrai mu'min. Et aussi il mentionne un autre verset, le verset 13 dans Surat As-Saffat, « وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ » Et quand on leur rappelle, ils ne se rappellent pas. Hein, quand on leur rappelle d'Allah, ils ne se rappellent pas. Hein, « وَسَيَذَكِّرُوا مَنْ يَخْشَى » Allah ça il dit dans le verset dans Surat Al-A'la, de 10 à 12, il dit, et ceux qui craignent, ils vont se rappeler, tandis que les malheureux vont s'en détourner, hein, celui qui va brûler dans le grand feu. Donc, les croyants, eux, quand on les rappelle d'Allah, ils se rappellent, mais les mécréants, quand on les rappelle d'Allah, ils s'en détournent, hein, ils s'écartent. وَإِذَا ذُكِّرَ وَإِذَا ذُكِّرَ فَإِنَّ وَذَكِّرَ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ et rappelle les gens, hein, et rappelle parce que le rappel est bénéfique pour le croyant ou pour les croyants. Donc il faut toujours rappeler les gens parce que c'est toujours, il y a quelque chose de bien là-dedans pour les croyants. C'est le verset 55 dans Surat al-Zariyat. Donc le cheikh dit que le croyant, il prend et ça lui profite, hein, le rappel lui profite. Et quand on lui rappelle, il crée Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on lui rappelle, ou on lui fait peur, en lui mentionnant quelque chose qui a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est, s'il a peur, c'est un signe qu'il a la foi. Tandis que l'hypocrite, lui, lorsqu'on lui dit de craindre Allah, ou on lui rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, même s'il prétend avoir la foi, alors qu'en réalité, il n'a pas la foi. Et ça ne fait qu'augmenter son orgueil et sa fierté, et le fait qu'il veut s'enfuir de la vérité, et il augmente en transgression, et il s'empare il se remplit d'orgueil et de fierté, hein, à cause de son péché. وإذا تليت عليهم آياته القرآنية زادتهم إيمانا وهذه علامة الإيمان أن المؤمن إذا تليت عليه آيات الله وسمع القرآن يزيد إيمانه ويقينه وينتفع بالقرآن الكريم خلاف المنافق فإذا تتلى عليه القرآن لا يستفيد منه شيئا كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وعلى الله وعلى ربهم يتوكلون. Okay, donc le cheikh il dit, et lorsqu'on leur récite nos versets dans le Coran, ça augmente leur foi. Ça, c'est la description ou la caractéristique des croyants. Lorsqu'on leur récite des versets dans le Coran, ça augmente leur foi, et ça, c'est un signe de la foi. Que le croyant, lorsqu'on lui récite les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'il entend le Coran, ça augmente sa foi et sa conviction. Et il profite donc du fait qu'il entend le Coran. Contrairement à l'hypocrite, parce que l'hypocrite, le munafiq, quand on lui récite les versets du Coran, il n'en profite rien. Hein, il ne profite de rien de ça. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 124 et 125 dans Surat Tawbah, et quand une sourate leur est révélée, et quand une sourate est révélée au prophète, il en est parmi eux qui dit, quel est celui d'entre vous dont elle fait accroître la foi? Quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi, et ils s'en réjouissent. Mais quant à ceux dont le cœur sont dont les cœurs sont malades, elle ajoute une souillure à leur souillure, et ils meurent dans la mécréance. Donc ça, c'est pour montrer les différents états des cœurs des gens lorsqu'ils entendent le Coran et la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les croyants, lorsqu'ils l'entendent, ça augmente leur foi. Tandis que les hypocrites l'entendent, ça ajoute de la souillure à leur souillure, ça les égare encore plus parce qu'ils s'enflent d'orgueil et ils s'éloignent encore plus de la vérité lorsqu'ils entendent la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça va contraire à leur passion, ça va en contradiction avec leur devenir. Hein? Donc, ensuite le cheikh dit « وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ » Ça c'est la fin du verset, ils mettent leur confiance à Allah, c'est-à-dire en leur Seigneur, ils mettent leur confiance. « وَذَا مَحَلُّ الشَّاهِدْ مِنَ الْآيَةِ لِلْبَابِ » فَهِيَ مِثْلُ الْآيَةِ الَّتِي قَدْ لَهَا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا وهنا يقول وعلى ربهم يتوكلون قدم المعمول أيضا وهو الجار والمجرور على العامل وهو يتوكلون ليفيد الحصر وبيان أن التوكل عبادة يجب إفراد الله فيها إفراد الله سبحانه وتعالى فيها ولا يجوز التوكل على غير الله لأن من توكل على غير الله فقد أشرك وقد جعل سبحانه التوكل شرطا في صحة الإيمان يرحمك الله فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فمن توكل على غير الله فليس بمؤمن Le Cheikh il dit donc que Allah il dit par la suite dans ce verset et à Allah ils doivent mettre leur confiance et à Allah ils mettent leur confiance c'est-à-dire les vrais croyants ils mettent en leur Seigneur leur confiance et c'est ça que le Cheikh a voulu montrer ou utiliser comme preuve dans ce chapitre pour montrer par rapport au verset qui était mentionné auparavant la même chose wa ala allahi fatawakkalu et à Allah mettez votre confiance donc il dit wa ala rabbihim yatawakkalun c'est encore la même forme que celle qui précédait on met le fait qu'on doit mettre notre confiance à Allah subhanahu wa ta'ala dans la forme inversée hein, c'est-à-dire le verbe est mentionné après وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ils mettent leur sur leur Seigneur, ils mettent leur confiance d'accord et une fois il y a un frère qui me posait la question est-ce que si on dit on fait confiance à quelqu'un est-ce que ça c'est shirk hein, comme tu dis je te fais confiance je te fais confiance dans ça et en fait c'est pas du tout la même chose hein, parce que quand tu dis atawakkal alayk c'est une chose je mets ma confiance sur toi ça c'est une chose puis j'ai confiance en toi ça c'est une autre chose différente hein, parce que faire confiance en arabe c'est athiqa ana athiqu bik j'ai confiance en toi c'est-à-dire je crois que tu es une personne fiable une personne de confiance t'es pas une personne qui trahit ou qui ment ok tandis que quand tu dis je mets ma confiance en toi ça c'est autre chose là ça dit je dépends sur toi et je mets mon espoir en toi et ma confiance en toi ça c'est autre chose hein je remets mes affaires à toi hein et ça c'est pas permis ça rentre dans le shirk tu vois donc il faut faire la distinction entre les deux parce que c'est pas du tout la même chose même en arabe donc ici on voit comme ala rabbihim yatawakkalun ils mettent sur leur Seigneur, ils mettent sur leur Seigneur leur confiance. Et c'est pour dire qu'ils ne mettent pas sur personne d'autre que leur Seigneur. Donc le Cheikh dit, c'est pour utiliser cette forme est utilisée par Allah pour limiter le fait de mettre notre confiance uniquement en Allah, parce que de mettre notre confiance en Allah, c'est une adoration qui doit être donnée uniquement à Allah. Et il n'est pas permis donc de mettre notre confiance ou d'avoir un tawakkul pour autre que Allah. Et quiconque met sa confiance sur autre que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il a fait le shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de cette adoration-là, un tawakkul, une condition pour que notre foi soit valable. Hein, parce qu'il dit, wa ala Allah fa tawakkalu in kuntum mu'minin. Et in, ça veut dire si. Hein, donc c'est une condition. In kuntum, si vous êtes croyant. Donc ça veut dire que celui qui met sa confiance en autre que Allah, il n'est pas croyant. Parce que c'est une condition pour la foi. D'accord? Ensuite, le cheikh il mentionne un autre verset, par la suite. C'est le verset 64 dans Surat Al-Anfal. Le verset 64 dans Surat Al-Anfal. C'est يا أيها النبي حسبك الله. يا أيها النبي حسبك الله. Allah سبحانه وتعالى il dit dans ce verset-là, ô toi le prophète, ou bien ô prophète, Allah te suffit. Allah te suffit. Et on va lire la suite de l'explication à ce sujet-là. شيخ ابن وقوله قال وقوله يا أيها النبي حسبك الله الآية هذا خطاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Le verset au complet c'est quoi? يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Hein, ça veut dire, ô prophète, tu vois, ô prophète, Allah te suffit à toi et à ceux qui te suivent, hein, parmi les croyants. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Allah te suffit et à ceux qui te suivent parmi les croyants. Donc le cheikh il explique ce verset-là. Il dit, هذا خطاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقوله يا أيها النبي ناداه بصفته الكريمة النبي والله تعالى لم ينادي محمدا باسمه أبدا في القرآن بل يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول فيناديه باسم النبوة وباسم الرسالة تكريما وتشريفا له صلى الله عليه وسلم أما الإخبار عنه فإن الله يذكره باسمه كقوله وما كان ما كان محمد آباء أحد من رجالكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فهذا من باب الإخبار فإذا جاء بالإخبار يأتي باسمه صلى الله عليه وسلم وإذا جاء بالنداء فيناديه بصفته الكريمة يا أيها النبي يا أيها الرسول ولذلك عاب الله على الأعراب الذين وقفوا على الحجرات وقالوا يا محمد اخرج إلينا فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ثم قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم فيجب التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وميتا لشيخ إكسليكي إلزي كالله سبحانه وتعالى إلزي أو مساجي أو بروفيت Il l'appelle par cet attribut, cette caractéristique noble, hein, du fait qu'il est un prophète, hein, un nabi. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'appelle jamais par son nom. Il l'appelle toujours par son titre, hein, par son titre de noblesse ou de prophétie ou de messager. Il dit par exemple, ô prophète, il dit ô messager, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Et ça, c'est pour nous donner en même temps les bonnes manières, comment on doit s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on parle, quand on s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment les sahaba s'adressaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie. Tandis que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala informe ou parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne son nom. Mais quand il s'adresse à lui, il l'appelle par son titre. Hein? Donc il donne des exemples de ça, comme le verset 40 dans Surat al-Ahzab, il dit « Eh, Mohammed n'est pas le père d'aucun d'entre vos hommes ». Ou bien le verset 144 dans Surat al-Imran, « Eh, Mohammed n'est qu'un messager, il y a eu avant lui d'autres messagers ». Et donc ça c'est dans le sens que Allah nous informe et il nous parle du prophète. Il ne s'adresse pas à lui, donc il parle, il le mentionne en mentionnant son nom, d'accord. Et lorsqu'il l'appelle, hein, il dit « Oh messager », ou bien il l'appelle en disant « Ya ayyuhan ar-rasul » ou « Ya ayyuhan nabi », là il utilise son titre et non pas son nom. Et Allah, il a blâmé les Arabes, c'est-à-dire les Bédouins, lorsqu'ils venaient devant la chambre du prophète, les chambres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient ces maisons, qui étaient collées à la mosquée, ils venaient puis ils appelaient « Ya Muhammad », hein, ils criaient comme ça « Ukhruj ilayna », ils venaient puis ils l'appelaient, ils criaient fort, ils disaient « Oh Muhammad, sors », parce qu'ils ne savent pas dans quelle maison il est, hein, ils ne savent pas où il est, donc ils l'appellent pour lui dire de sortir. Ils n'ont pas de manière, que des bédouins ils viennent du désert, donc ils ne savent pas eux les règles de politesse et de respect envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont déjà un peu rude, hein, dans leur manière. Donc ils sortent, ils disent « Ya Muhammad, ukhruj ilayna », c'est pas des gens rapinés, hein, donc, non c'est ça. Non, c'est ça, c'est comme le frère, il dit, hein, Mokhtar, il y a des exemples de la Mauritanie, là, avec les gens du désert. Et non, c'est comme ça. C'est parce que le fait d'être éloigné du monde et le fait d'être avec les toujours avec les chameaux ou bien avec les animaux, ça rend le tempérament un peu dur, hein. Tandis que les gens de la ville, ben, ils ont plus, ils ont habitude plus aux règles de société, puis comment agir avec les autres et tout. Donc c'est ça. Et, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a une manière de s'adresser à lui. Il est bédouin, parfois, il réalisait pas cette chose-là. Donc, il y a des exemples où les bédouins, ils arrivaient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils lui disaient, oh Mohammed, donne-moi ça. Ou bien, ils lui parlaient comme si c'était n'importe qui. Et donc, Allah sallallahu alayhi wa sallam a voulu faire leur éducation par le verset dans Surat al-Hujurat, les premiers versets qui sont mentionnés dans cette surat-là, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les règles de respect et de politesse qui devaient être adressées au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on parlait avec lui. Il dit par exemple, « Oh vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète et ne haussez pas le ton en lui parlant comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Ceux qui auprès du messager baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, les chambres, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. » Hein, ça c'est les bédouins qui faisaient ça avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand ils arrivaient à Médine. Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux, ce serait certes mieux pour eux. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. Donc ça c'est tous des versets qui ont été donnés pour montrer aux gens la bonne manière envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment parler. Ils ne devaient pas l'appeler de la même façon qu'ils appellent, ils s'appellent les uns les autres. Oh Muhammad, hein, ou toi, comme si c'était son ami ou quelqu'un dans la rue comme ça, non. Donc Allah sallallahu alayhi wa sallam, il leur a montré les bonnes manières à ce sujet-là. Et bien entendu, les bonnes manières envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est durant sa vie et après sa vie qu'on doit les utiliser. Parce qu'il y a des auteurs contemporains qui parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, A'udhu Billah, parmi des modernistes, ou bien parmi des orientalistes et des islamologues, parfois ce sont des gens qui se disent même musulmans, ils parlent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans aucun respect. Ils parlent de lui comme s'il parlait de n'importe quel homme. Et quand ils mentionnent son nom, ils disent jamais sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent son nom, son prénom, comme si c'était n'importe quel parmi leurs amis dans la rue. Hein? Et ils disent, il y en a qui l'appellent même comme les koufars, Mahomet, au lieu de l'appeler Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Mahomet, hein, certaines personnes m'ont dit que c'est le contraire de Mohammed. Parce que Mohammed, c'est celui qui est glorifié. Mahomet, c'est-à-dire il n'a pas été glorifié. Et eux, les Français, ils l'ont dit à l'envers justement pour que ça ait cette signification-là de celui qui n'a pas été glorifié. Hein? Mahomet. Et ils disent Mahomet. Ils n'ont pas fait ça par hasard. C'est bien réfléchi pourquoi ils ont fait ça. Et la culture française, la façon dont, comment elle a été établie pour détester sur la haine et le combat de l'islam. Depuis les croisades jusqu'à aujourd'hui. Et ils continuent encore sur cette voie-là. Aujourd'hui, même si c'est recouvert par une petite couche de droits de l'homme, mais en dessous il y a toujours cette guerre contre l'islam qui reste dans leur cœur, bien éveillé. Et donc, c'est grave, quand ils parlent du boxeur Cassius Clay, hein, ils sont capables de dire sans problème son nom, hein, Muhammad Ali. Mais quand ils parlent du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout d'un coup, leur langue est plus capable de prononcer le nom Muhammad. Et donc, ils ne sont pas capables de le dire, ils sont obligés de dire Mahomet. C'est bizarre, hein? Quand ils parlent d'un boxeur, ils sont capables de le dire comme il faut. Quand ils parlent du prophète, tout d'un coup, leur langue devient fourchue, ils ne sont plus capables de le prononcer. Donc, c'est pour vous dire qu'ils utilisent ces termes-là. Et ils parlent du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et même il y en a qui écrivent des biographies du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont marqué Muhammad, The Life of Muhammad, en anglais. The Life of Muhammad. Ils n'ont même pas écrit sallallahu alayhi wa sallam, rien. Comme si c'est la vie de n'importe qui. Et puis, ils ont, dans ce livre-là, il y en a un qui a écrit, je pense, c'est Muhammad Haykal en anglais. En tout cas, il nie les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il essaie de les nier. Et il y a ce courant-là parmi les orientalistes, là. Et ils ont fait un documentaire, je ne sais pas c'est quelle chaîne qui a fait ce documentaire-là, mais c'est en français. Il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment il était envers les femmes. Et je l'ai vu dans un site sur internet. En tout cas, c'est pour vous dire la façon dont il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans aucun respect. Comme si, les choses qu'ils disent à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des insultes et des mensonges. En tout cas, c'est grave. Ouais, non, c'est grave. Comment ils parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les choses qu'ils disent, et ce sont des gens qui se disent musulmans. Alors, quand vous voyez ces gens-là, vous voyez que c'est vraiment clair, c'est clair que c'est des gens qui n'ont aucun respect pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à la limite, c'est des insultes qu'ils disent. Quand ils parlent de lui, comment ils parlent de lui par rapport aux femmes et tout, comment ils décrivent son attitude envers les femmes. Ils parlent de lui comme si c'était pas un prophète. Comme si c'était un homme ordinaire. Hein? Ils prennent même pas en considération que ce qu'il dit et ce qu'il fait, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui l'inspire, qui lui donne la révélation et qui le guide. Il parle de lui comme s'il parlait de n'importe quel homme qui a fait des grandes choses, mais qui reste quand même comme étant pas un prophète. Donc c'est très grave, c'est très grave. Et il y a cette attitude-là parmi les gens de Bid'ah et parmi les kuffars, et il est parmi les munafiqins, les orientalistes, les modernistes, ce courant moderniste surtout. Donc le cheikh il dit « Wa qawluhu hasbuk Allah ». قوله حسبك الله حسبك يعني كافيك فالحسب هو الكافي ومن اتبعك من المؤمنين أي حسب من اتبعك من المؤمنين فالواو عاطفة ومن اتبعك معطوف على ضمير المخاطب المضاف إليه في قوله حسبك أي حسبك وحسب من اتبعك فحذف المضاف في الكلمة الثانية اعتمادا على ما جاء في الأول في الأولى من باب الاختصار والإيجاز فقوله ومن الواو عاطفة ومن في محل جر وعطف على ضمير المخاطب المضاف إليه في قوله حسبك هذا هو الصواب الذي رجحه الإمام ابن القيم وأبطل ما سواه فليس من ومن اتبعك معطوفا على الله فيكون مرفوعا ومحل الشاهد من الآية حسبك فإذا كان حسبك الله فيجب التوكل على الله والاعتماد عليه وحده ولأنه يكفي من توكل عليه كما في الآية التي بعدها وهي قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي يفوض أمره إليه يفوض أمره إليه ويعتمد على الله فإن الله حسبه وكافيه أي كافيه جميع الأمور أما من لم يتوكل على الله فإن الله يكله إلى من اعتمد عليه كما في الحديث ومن تعلق شيئا وكل إليه فمن تعلق بالله كفاه ومن تعلق بغيره خذله الله ووكل إلى ضعيف donc ici le cheikh explique le verset حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين il est حسبك الله ça veut dire le mot حسبك ça veut dire كافيك c'est-à-dire quand on dit حسبك الله ça veut dire Allah il te suffit donc الحسب c'est الكافي celui qui te suffit الحسب c'est الكافي et ومن اتبعك من المؤمنين il y a beaucoup de gens qui se sont trompés dans l'explication de ce verset là comme en passant comme dans la traduction justement la traduction qui est de l'Arabie Saoudite j'ai vérifié la traduction puis on dirait que justement ils ont fait cette erreur là dans la traduction parce que dans le verset 64 dans sourate al-anfal Allah subhanahu wa ta'ala dit hasbuka Allah wa man ittaba'aka min al-mu'minin les cheikhs eux ils ont traduit ça comme ça ils ont dit ô prophète Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Et c'est pas ça la vraie signification du verset. La signification c'est ô prophète, Allah te suffit à toi et à ceux qui te suivent parmi les croyants. C'est ça ce que ça veut dire. D'accord? Et c'est ça ce que le cheikh explique ici. Il dit que hasbukallah wa hasbu man ittaba'aka min al-mu'minin. Parce que Allah il te suffit à toi et il suffit à ceux qui te suivent parmi les croyants également. C'est pas que les croyants qui te suivent te suffisent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça c'est pour expliquer. Et il a donné l'explication en parlant du waw, wa man ittaba'aka, en voulant dire qu'il est, il se rapporte à hasbuka, et non pas, il se rapporte plutôt à Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas à, il dit, wal waw, atifa, ومن في محل جر عطف على ضميع المخاطب حسبك المضاف إليه في قول حسبك وهذا هو الصواب donc c'est ça c'est pas que les croyants te suffisent avec Allah mais c'est plutôt que Allah te suffit et il suffit à aux croyants qui sont avec toi et qui te suivent avec lui donc le cheikh explique tout ça et il a dit que l'imam ibn al-Qayyim il a montré que cette explication là c'est elle qui était la bonne, et il a montré la fausseté de toutes les autres interprétations de ce verset-là. Et il mentionne, sur le plan de la grammaire, comment il a expliqué cette chose-là. Il dit, وَمَنِ اتَّبَعَكَ مَعَطُوفٌ عَلَى ضَمِيعِ الْمُخَاطَبَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ فِي قَوْلِهِ حَسْبُكَ Donc, حَسْبُكَ, c'est-à-dire, Allah, il te suffit, hein, وَمَنِ اتَّبَعَكَ من المؤمنين c'est-à-dire il te suffit à toi et le waouh c'est pour dire et il suffit à toi et il suffit à ceux qui te suivent parmi les croyants c'est ça ce que ça veut dire et donc le but d'avoir mentionné ce verset là dans le chapitre de At-Tawakkul c'est pour dire que quand si Allah te suffit alors tu dois mettre ta confiance en lui et reposer te reposer sur lui seul, sur lui seul, et il te suffit, et il suffit à celui qui met sa confiance en lui. Comme le verset qui vient après, et c'est le verset qui dit « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » Le verset qui suit, c'est ça. Et quiconque met sa confiance en Allah, Allah lui suffit. C'est-à-dire, tu remets tes affaires à Allah subhanahu wa ta'ala et tu mets ta confiance sur lui. Hein, donc Allah te suffit. Hein, il te suffit dans toutes tes affaires. Et quiconque ne met pas sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala le laisse à lui-même. Hein, et quiconque, comme dans le hadith qui dit, quiconque accroche quelque chose, Allah le laisse à cette chose-là sur laquelle il s'est accroché. Comme par exemple un porte-bonheur ou quelque chose comme ça. Hein, man ta'allaqa shay'an wukila ilayh. Celui qui s'accroche à quelque chose, ou qui accroche quelque chose sur lui, Allah le laisse à cette chose-là. Hein. Tandis que celui qui s'accroche à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui suffit. Et celui qui s'accroche à autre qu'Allah, Allah l'abandonne. Et il le laisse à la chose faible sur laquelle il s'est accroché. Et l'autre verset qu'il mentionne, le cheikh il dit, وقوله ومن يتوكل على الله اي لا على غيره فهو اي الله سبحانه وتعالى حسبه اي كافيه فهذا فيه ثمرة التوكل على الله سبحانه وتعالى وان الله يكفي من توكل عليه ومن كان الله كافيه فان الرابح والمفلح فانه هو الرابح والمفلح في الدنيا والاخره ولا يخاف من غيره ابدا وانما يخاف من الله عز وجل. Donc le cheikh explique ce verset là et il l'explique seulement avec qu'est-ce qu'il a dit ici, parce qu'il a expliqué le terme hasbuka déjà dans le verset précédent. Donc il dit qu'il met sa confiance en Allah, alors Allah lui suffit. Hein, et ça veut dire que le fruit du fait que tu mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça aura comme conséquence que Allah va te suffire, hein, parce que Allah, il suffit à celui qui met sa confiance en lui. Et quiconque Allah lui suffit, alors c'est lui qui aura le succès et qui aura le profit dans la dunya et dans l'akhirah. Et il ne craindra personne d'autre que lui. Hein, il ne craindra que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et puis on continuera le reste de ce chapitre demain, inshallah. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa fika barakat.